Putain, y a rien, mais répondez-nous, bordel. C'est dur hein, d'être un podcast qui marche pas. Bonjour et bienvenue dans On s'écoute ça tout de suite, tel un couple qui s'est bien trouvé, je suis accompagné de mon plaisir coupable. Bonjour Noé, comment ça va? Bonjour Vincent, quelle belle introduction. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oh ça va, je suis content de revenir. Alors on devait, bon, évacuons les sujets tout de suite, on devait avoir Luc. Ouais. Il est pas là. Bon, malheureusement, voilà. Il a pas pu. Du coup l'émission va être un peu plus courte cette fois-ci, on a bricolé, on s'est rajouté une petite chanson au dernier moment. Désolé et on t'embrasse Luc. On t'embrasse. Bon, on a l'air un peu plus réveillé que pour notre épisode Arctic Monkeys. C'est peut-être parce qu'il est plus tôt dans la journée. Ouais, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, un nouveau thème. Quel est le thème d'aujourd'hui, Noé? Attention. Aujourd'hui, ce sont, tadam, les plaisirs coupables. Les plaisirs coupables, les guilty pleasures. Alors, on a que 12 morceaux, hein, parce que Luc devait être là. Et on n'était pas vraiment d'accord sur la définition du guilty pleasure. Alors, ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on lance chacun notre premier morceau, on revienne sur notre définition de la guilty pleasure. Donc, a priori, c'est toi, c'est moi qui vais commencer avec ma définition. Et puis voilà, je pense pas, bah, on va commencer. Hein. Moi, ma définition du guilty pleasure, en fait, c'est les morceaux que je garde. Hein. Tu sais, je les garde pour moi. J'évite de dire que à d'autres que je les écoute, tu vois. Et j'ose pas les mettre en soirée. C'est un peu ça mon guilty pleasure, tu vois. En fait, moi, quand je me balade en ville, je mets souvent mes musiques sur mon téléphone en aléatoire. Et quand je tombe sur un guilty pleasure, tu vois, je me froid des mains, je suis content, je fais ouais, ça va être bien, ça. J'ai écouté ça dans le métro, peinard. Alors que quand je branche mon, alors que j'évite de brancher mon téléphone en soirée sur les enceintes, parce que dès qu'il y a un morceau guilty pleasure qui va sortir, j'ai peur que tout le monde se foute de ma gueule. C'est un petit peu ça, tu vois, ma définition du guilty pleasure. Je ne dis pas aux autres ce que j'écoute parce que j'en ai un petit peu honte. Voilà. Et ben moi, je te rejoins pas mal sur cette définition. Hein. C'est vraiment un truc hyper hyper subjectif parce que je suis sûr que tu vas mettre des chansons et je vais dire bah, c'est pas du tout guilty pleasure ça, et puis peut-être inversement proportionnel ou égal, mais ouais, pour moi c'est ça aussi hein. C'est un petit peu les chansons que j'aime bien revenir quand même de temps en temps, je sais pas pourquoi je les aime bien, mais je les aime bien et j'évite de dire aux autres quand on parle musique ah ouais j'aime bien ça. Donc là c'est un petit peu l'émission suicide en fait. Ouais, c'est un peu l'émission suicide, et bah je te propose de commencer le suicide tout de suite, parce que niveau guilty pleasure vous allez être servi, et je pense que c'est bien que je commence tout de suite pour me débarrasser de ce morceau, parce que tu sais que ce morceau il allait forcément arriver. Donc, tu à me connaître un petit peu hein. Et on s'écoute tout de suite Blue Bega et Mambo Number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. number five. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number five. The Godfather, The Podfather. Oh, c'est ça ton nouveau nom, The Podfather. C'est repris là, ta gueule. Bah alors, il est pas bien ce morceau. Moi, ça, ça te donnerait pas envie de regarder Stuart Little, hein? Tellement. Voilà, donc Mambo Number 5 de Lou Bega. Alors, à la base, c'est un célèbre morceau de Mambo composé par Pérez Prado. J'ai écouté l'original, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein. Et en fait, Pérez Prado, il composait tellement de morceaux que, en fait, il leur donnait plus de titres. Il savait plus quoi donner comme titre, donc des numéros. Mambo Number 5 est le plus connu. Et apparemment, Mambo Number 8 est pas si mal dans son genre aussi. Donc là, la version qu'on vient d'entendre, c'est une reprise qui vient tout droit. Et j'ignorais, d'Allemagne, Lou Bega, il est allemand, tu vois. Moi, je pensais qu'il était cubain ou sans être dans les clichés. Hein, comme mais, tu sa vois, petite taille le laissait deviner. Bon, ça, c'est toi le cliché, en fait. Voilà, et en fait, il a donné un petit coup de jeune en reprenant l'instru et il a rajouté quelques paroles. Et elle est restée 20 semaines consécutives en tête des ventes des singles en France, qui est complètement incroyable. Hein. C'est le record succès absolu depuis la création du top 50 en 1984. Mieux que Peter Sloan, du coup. Et Rolling Stone Magazine a déclaré ce morceau, sixième morceau le plus insupportable de tous les temps. Je pense qu'il a bien sa place, voilà. Un morceau omniprésent à la télé, hein, souvent utilisé comme jingle, voilà. Alors. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer, je le dis comme ça, la très bonne reprise faite par le dessin animé Bob le Bricoleur. Ils en ont fait une cover qui était pas mal du tout. Ils ont remplacé le nom des femmes avec genre scier une poutre ou faire passer la chose sur les murs. Voilà, c'est exactement ça, tu vois. Et voilà, ça donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ah si, dernière petite chose. Au début 2000, ils ont utilisé ce morceau pendant les conventions démocrates aux États-Unis. Mais tu sais que dans la chanson, à un moment, ils disent Monica. A little bit of Monica. Et là, oui. Tout le monde s'est figé. Et depuis, parce qu'il y a eu le scandale de Bill Clinton Monica et de Monica Lewinsky. Et à l'époque, bah, je t'avoue que voilà, levé de bouclier, et ce morceau est un petit peu passé à la trappe. Mais très bon morceau, hein. Alors, à moi d'enchaîner... Vas-y. Non, ok, très bon morceau, je te réponds quand même. Ah, oui. À moi d'enchaîner avec mon petit plaisir coupable. Hein, c'est vrai que, bon, par rapport à toute la musique assez expérimentale que j'écoute, c'est un truc qui dénote un peu. Hein, et tout, là. Voilà, exactement. Donc, ça va être la flûte enchantée de Mozart. Vraiment, c'est mon petit plaisir coupable. Non, je déconne. Girl, Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. On s'écoute ça tout de suite. Bah, tiens. Eh ben, vous savez quoi ? C'est une reprise. C'est de la merde ! Non, c'est une reprise, bah, c'est génial. Au départ, c'est un titre de Robert Hazard, un Américain qui est connu pour 3 hits à s'orienter MTV, Change Reaction, Escalator of Life et Out of Blue. Et c'est marrant puisque les paroles de l'original étaient placées du point de vue masculin. Et Cyndi Lauper, elle voulait pas chanter. On lui a dit au départ, oui, ce serait bien que tu prennes cette chanson, elle est pas mal pour ton album solo. Et elle voulait pas la chanter parce qu'elle disait que c'était un vieux truc de misogyne. Et que c'était nul. Et puis elle va voir le potentiel un peu de la chanson avec les nouveaux arrangements. Et elle va décider de la faire en changeant quelques paroles. Et puis au final, ben, c'est devenu un peu un hymne du girl power. Hein. Comme quoi, hein, quand c'est bien écrit, et puis en changeant l'ordre des phrases et les genres de pronoms personnels, ouais, on passe d'une chanson un peu macho sur le désir féminin à un hymne féministe. Et vous avez bien raison, un petit peu, je sais pas si tu te souviens, Vincent, quand ce joueur de foot à qui on avait jeté une banane l'avait mangé. C'est... Ouais, j'avais entendu parler ça. Bon voilà, moi, ça m'a fait penser à ça, et puis c'est plutôt chouette. À noter hein, que pour composer les nouveaux arrangements de la chanson, ils ont demandé à un moment à Sliden Bar et Robbie Shakespeare. Alors je sais pas si vous connaissez, mais la section rythmique la plus prolifique de Jamaïque. Ils ont fait des trucs énormes. Quand je dis plus prolifique, je pèse mes mots, hein, puisqu'ils sont présents à peu près 40 ans de carrière sur plus de 200 000 morceaux. Donc c'est un truc incroyable. Ouais. C'est vraiment un truc incroyable. Et ils vont garder en fait de ces ils ont bossé un jour ou deux seulement dessus, mais de ces sessions, cette espèce de basse et ce rythme super reggae, parce que qui dit Jamaïque évidemment dit reggae, et ça a fait un tube, mais alors monumental, hein, premier partout, ça a vraiment vraiment lancé la carrière de Cyndi Lauper, ça a été un truc de dingue, si bien qu'elle a ressorti même en 90 là, une deuxième partie de la chanson sur un de ses autres albums, parce que c'était sa chanson iconique. Bah, ouais. À noter, il y a une petite parodie de Al Yankovic aussi, je sais pas si tout le monde connaît Weird Al Yankovic, ouais, qui a fait Girl Just Wanna Have a Lunch, donc c'est voilà, c'est assez marrant. Pourquoi plaisir coupable? Franchement, je sais pas. Mais en même temps, dans les soirées, c'est le genre de morceau qui ressort souvent, ça. Ouais, mais dans les soirées, quand je le mets, tout le monde dit ah, tu mets ça, ouais, c'est moi nul. Le premier en plus. Voilà, exactement. Alors du coup, en fait, vous m'avez créé une culpabilité, mais je veux m'en défaire. Ouais. Bon, on va rester dans les chanteuses et on va au Pays de Galles avec son fleuron. Alors là, on est dans du gros guilty pleasure pour moi. Attention, du alors guilty ça, pleasure ça, de j'assume compétition. Même pas d'être dans cette émission. Hein, alors là, attention, pour moi, il y a du Bonnie Tyler avec I Need a Hero. On s'écoute ça tout de suite. Ah! Bon, alors on est dans du gros guilty pleasure. Alors pour rétablir la vérité, le nom de la chanson, je me suis trompé, c'est pas I Need a Hero, c'est Holding Out for a Hero. Voilà, donc c'est un morceau de 1984, originellement écrit pour le film Footloose. Tu connais Footloose? Footloose. Voilà. Ouais. Mais pour moi, le morceau, ça restera à jamais le morceau de la dernière mission de Saints Row 3. Ah, ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'autre chose que de la musique dans Saints Row 3. Ouais. Voilà, et donc en fait, c'est la dernière mission, et puis c'est le jeu, et du coup, ça rend la fin du jeu incroyable, et c'est ce jeu qui m'a fait redécouvrir ce morceau en fait, et donc ça fait partie des morceaux que je peux avoir dans mon téléphone, tu vois, où je dis ah attends, je vais me faire un petit Bonnie Tyler, ça va être bien. Ouais, personne me regarde dans la rue, je me prends de les mains, tu vois. Plus récemment on l'a entendu dans Les Petits Mouchoirs, tu sais, la scène de la danse avec Jean Dujardin. Oui, bah je l'ai vu une fois. Ouais, bon, ça te dit rien. Je me souviens de oh, je suis le parrain de ton fils, mais ouais, c'est ouais. Tout. Et donc, en fait, comme je l'ai dit, un morceau composé pour Footloose. Et pendant l'enregistrement du morceau, le mec au synthé, il était tellement à fond là, à faire de tu, qu'en fait, il s'est littéralement coupé les doigts sur son synthé. Son synthé était rempli de sang partout, tellement il était à fond sur le morceau. Voilà. Bon, bah Bonnie Tyler, quant à elle, hein, ce qui la distingue, c'est sa voix, tu sais, une voix un petit peu cassée, tu sais, légèrement rocailleuse. Ouais, quoi. Avec du coffre. Elle a cette voix après une chirurgie de la gorge, quoi. Bon, après, m'en demandez pas plus, hein, je connais pas assez l'œuvre de Bonnie Tyler. Mais voilà, jouer à Saints Row 3, et on va peut-être commencer le fil rouge, s'il y a d'autres participants. Le fil rouge, on a demandé sur Twitter, dites-nous vos guilty pleasures, et on va les commenter. Et on a eu qui, Noé? On a eu Pim Pam Poum qui nous a suggéré Haut les mains de Otawan. Alors on a écouté, vite fait, pendant la pause. Et ouais, il y a du guilty pleasure, on peut comprendre. Il y a alors... du guilty. Ils nous ont dit quoi? Juste le refrain? Ils ont dit juste le refrain et hors mariage. C'est précisé hors mariage, c'est important. Puisque je pense que ça va te pair avec la queue-le-le. Ouais, vous êtes fatigué, et bien sûr, la toucher. La danse des canards. La danse des canards. Et la marche des tongs. Et la marche des tongs. Voilà. Donc voilà, on est dans cet esprit. On est dans cet esprit-là, donc n'hésitez mais pas. Mais c'est guilty, c'est ouais. Guilty approved. Voilà. Et on verra s'il y a d'autres participations, sinon ça fera pas un fil rouge et on aura l'air de con. Ça fera, voilà, ouais. Maintenant je te propose de continuer avec ton morceau. Eh bien c'est un petit peu le morceau partenariat de cette émission, puisque la ville de Rennes, hein, qui nous subventionne, nous a imposé un quota d'artistes locaux à placer dans les émissions. Et ça tombe bien parce qu'il y avait un groupe qui rentre volontiers dans mes guilty pleasures, c'est Niagara, Quand la ville dort. On s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. Selon Wikipédia, Niagara est un groupe formé en 1982 et il est issu de la vague de rock rennais du tout début des années 80. Alors selon le père de Thomas, qu'on embrasse au passage, le groupe est composé de deux petits branleurs, parce qu'il était dans la fac de leur promo. Ah. Il était avec Daniel Chenevez et Chenevez, je n'ai jamais su, et Muriel Moreno, hein, et apparemment c'était vraiment des grosses têtes à claques qui se la racontaient à mort. Ah la vache, on a du... Anecdote du père de Thomas. Anecdote vicieuse là. Ah, il y a du drama. Alors, je vous ai dit Muriel Moreno, rien à voir avec Nadine, hein, je vous assure. D'abord, c'est Moreno. Et puis surtout, c'est l'amalgame de Monroe, comme Marilyn Monroe. L'anagramme. Putain, j'ai marqué ouais. Anagramme en plus. Ah, c'est la société qui fait trop pression sur moi. L'anagramme de Monroe, hein, comme Marilyn Monroe. Et puis, c'est marrant parce que Monroe joue dans le film Niagara, qui donne son nom au groupe. Ouh, tout ce boucle. Et son vrai nom, sinon, c'est Muriel Laporte, mais du coup, rien à voir non plus avec Bernard. La chanson « Quand la ville dort » tire son titre du roman et du film du même nom, hein, qui en langue originale s'appelle « Asphalt Jungle », tiens, comme le groupe de Patrick Delin. Vous vous souvenez de Patrick Delin, espèce de groupe de punk parisien. Et le film « Asphalt Jungle », je te le donne en mille, a pour actrice principale... Je sais pas. Marilyn Monroe. Ah, tu d'accord. Suis ou tu suis ah pas non, je suis pas, je suis un peu largué, parce que tu m'as balancé genre 3-4 noms d'affilée, là, je suis un peu largué. Faut que tu réécouteras ça au ralenti en faisant le montage. Alors pourquoi plaisir coupable ? Parce que pour les gens, Niagara, bien souvent, c'est l'amour à la plage. C'est l'amour à la plage. Ouais, je voulais mettre des extrêmes, on a une coupure internet. Et aussi c'est « Laisse-moi m'en aller !» Mais je dois m'en aller. Des trucs qui ont malheureusement un petit peu vieilli, mais si vous passez ça en soirée à vos amis, ça les fait pas toujours vraiment délirer, mais moi j'aime bien, je trouve qu'ils ont fait des belles chansons. Avec vos parents. Ouais. Voilà, mais ça c'est un peu la loose. Hashtag jeunesse, hashtag rébellion. Ah putain, oh, les jeunes cons. Mais moi, j'aime bien surtout, ils ont une autre chanson qui s'appelle « Quand les champs brûlent », qui a été repris par... par pas mal de monde et qui est vraiment très belle. Donc voilà, la production a vieilli, mais il y a quand même un bon fond. Et puis même si c'était des petits brawlers, moi je m'en fous, je les connais pas. Et voilà, je retourne écouter tout l'album en cachette. Est-ce qu'on a eu une autre proposition de Guilty Pleasure sur Twitter ? Alors, une proposition officieuse, hein, puisque c'est un auditeur assez connu, dont je tairai le nom, puisque c'est Cornelius. Ouais. On a eu un débat sur les Guilty Pleasures, hein, où je lui parlais de Bébé Brune et où il m'a renvoyé un groupe qui s'appelait Les Fêlés, qui s'appelle et une chanson qui s'appelle Dans mon lycée. C'était un groupe de jeunes, très jeunes, qui faisait du rock français fin des années 70. Et la chanson est assez cool et c'est, moi je trouve ça pas vraiment guilty, mais bon, c'est vrai que c'est pas tip top, mais on y revient toujours, ça reste dans la tête. C'est comme ça, mon lycée. Bon, alors à mon tour, et attention, j'ai pris un petit truc, j'ai pris au dernier moment, donc c'est un peu moins guilty pleasure que les autres, parce qu'il fallait bien combler. J'ai choisi Will Smith avec Getting Jiggy With It. Allez, on s'écoute ça tout de suite. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba, Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prince of this shore highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, sure, and you don't stop. In the winter order, summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Et oui, parce qu'en 1997, il y avait le Will Smith acteur, hein, qu'on connaît tous, et il y avait également le Will Smith rappeur, hein, parce qu'en 1997, il sort son premier album, Big Willie Style, hein. Son tout premier album, c'est ça ouais, mais Big Willie, ça veut dire... Oui, oui, pareil. Big Willie, quoi. Big Willie, quoi. Et il avait fait quelques albums de mix avant en duo, hein, mais cet album, c'est un album que j'aime franchement bien. Et il a vraiment bien marché. En fait, il était un peu poussé par le film Men in Black à l'époque, parce que Will Smith avait fait un morceau spécialement pour le film, qui était le premier single de cet album. Et bon, forcément, le film est sorti un tout petit peu avant l'album, donc ça a donné un bon coup de pouce, voilà. Et ce morceau, comme la saucisse, ce morceau, Getting Jiggy With It, ça fait référence à l'expression To Get Jiggy. Tu vois ce que ça veut dire ou pas? Non. C'est le mouvement de va-et-vient pendant... Enfin bref, tu vois. Ah, enfin, oui, moi, toi. J'avais à peine 10 ans, donc je savais pas ce que ça voulait dire. J'avais la chanson quand même. Mais bah, tu vois, moi j'en ai 21, je sais pas du tout, je savais pas non plus. Voilà, mais tu vois, c'est... en fait, cet album, les paroles de cet album, elles sont assez explicites, hein, quand on prend le temps de s'y intéresser. Ouais. Et du coup, si je comprends bien, si je suis à ta logique, Here Come the Men in Black. Ah, ouais, bon, ça c'est peut-être autre chose. Bon, pas mal de samples, hein, sur, comme t'as beaucoup de morceaux de Will Smith. Hein. Ici, on a des samples de Sister Sledge, de Barclays. Voilà, et pourquoi c'est un guilty pleasure? Déjà, il fallait en trouver un de plus pour combler l'absence de Luc, hein. Et ensuite, c'est l'album qui a chez mes parents depuis tout petit. J'écoutais beaucoup le single de Men in Black, et du coup, j'écoutais un peu les autres morceaux, et sur celui-là, j'accroche pas mal, tu vois. Et ça, c'est un morceau qui m'a presque jamais quitté, je l'ai toujours eu sur mon téléphone, et voilà. Voilà, c'est un petit peu mon petit plaisir, ma petite pépite de rap à moi. Voilà. Bah, t'es dans le thème de l'émission. Est-ce qu'on a un fil rouge ou pas? On a un fil rouge, un peu. Est-ce qu'on le garde pour maintenant, pour après? Et on va le garder pour après, puisque ouais. Enfin, du moins, le titre de cette chanson, ça ne me dit rien. Ah, bon, on l'écoutait pendant l'écoute de la chanson. Voilà, et donc on va continuer du coup. On va continuer avec quoi? Avec de l'amour, avec de la beauté, ouais. Avec du slow, puisque c'est l'heure de Without You, l'original par Badfinger. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow, I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. C'est sûrement le plus grand tube de Badfinger, un groupe gallois au destin assez tragique que je vais vous conter ici. Revenons à la genèse de la chanson. Un soir, Pete Ham, le chanteur du groupe, se préparait pour sortir en ville avec sa petite amie, Beverly Tucker. Quand le bassiste Tom Evans lui dit « Hey mec, j'ai une idée de chanson, viens !» Ham lui répondit « Non, pas ce soir mec, désolé, je dois sortir avec Beverly. » Et puis là, drama, tu vois, Beverly le regarde et lui dit « Va en studio mon chéri. » J'ai pas de problème avec ça. Je veux pas que tu regrettes après de pas avoir enregistré cette chanson. Ham lui dit, tu sais, ta bouche sourit, mais tes yeux sont tristes. Je vous jure, il lui a vraiment dit ça, le mec, c'est quand même la classe. Ah ouais, putain. Et il est parti en studio avec Evans, et repensant à cet événement, il écrivit le couplet suivant qu'on retrouve dans la chanson, presque texto. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I'd had you there, but I let you go. Désolé pour tous les anglais que j'ai froissés. Mais il trouvait que son refrain était naze, puisque son refrain il faisait juste If it's love. Ça tombe bien, Evans, de son côté, avait un refrain, parce qu'un soir où il pensait que sa copine allait le quitter, il a écrit... Ah mais ils ont des vies de merde ou quoi? Ah ouais, mais attends, t'as pas fini. Il a écrit « I can't live if Lee Wynn is always like you, I can't give anymore ». Merci pour l'accent français. Et bim, succès mondial, hein, le mélange des deux chansons. Deux ans après, en 1972, Harry Nilsson reprend le titre et le place numéro 1 genre, dans le monde entier. Et en 93, Mariah Carey, bim, remet ça et re-numéro 1 partout. Le souci, hein, c'est que pour des histoires de royalties liées à cette chanson un peu de dépression aussi, Ham et Evans, les deux compositeurs, vont finir par se suicider, hein, respectivement en 75 et en 83. Cruel destin pour une chanson qui leur a apporté la gloire, la fortune et le luxe. Pourquoi plaisir coupable? Parce que franchement, c'est hyper, hyper, hyper kitsch, hyper mielleux. Mais je sais pas, moi j'aime vraiment moi bien j'aime cette pas, chanson. Tu connais ma propension à ne pas aimer tout ce qui est kitsch et mielleux. J'aime pas la version d'Aaron Nielsen ni la version de Mariah Carey, mais celle-là, franchement, elle est un peu nulle. Pour le fil rouge, hein, on a Armos. Qui nous a envoyé... Armos, pardon. Qui nous je a envoyé... salue, d'ailleurs. Salut, Armos. Qui nous a envoyé Lady de Mojo, hein, digne des meilleures heures de Eric Pritz, qu'on écoutait tout à l'heure. Et de tout cet esprit de dance décomplexé. Lady. Guilty Pleasure, oh, bah franchement, ouais, parce que moi tu vois j'ai réécouté le morceau vite fait pendant la petite pause et putain je me suis dit bah c'est du Daft Punk ça ou pas, et j'avais vraiment l'impression que c'était un morceau de Daft Punk et en fait non, c'est du Mojo, tu vois, je sais pas ce que t'en penses mais il y a un petit c'est vrai qu'il y a un petit truc. Bon, on continue, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit Black Eyed Peas? De toute façon c'est moi qui commande, donc t'as rien à dire, donc bah, Black Eyed Peas avec Just Can't Get Enough. I wouldn't want to have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team, and I could be the king, you could be the queen, and my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh, baby, I can't come down, so please. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We LOL back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Someone bought a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. This is better. Switch up. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Lock sunk in your bed, rock hot, up in your love shot. Knock out by your cold shot. I I'm stuck in your head. Switch up. I won't worry with making me feel. Give it to me, me. I want it all, all. Know what I mean? Your love is a dose of ecstasy. Switch up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your love right next to me, and I can't erase you out of my memory. Bon, bah, c'était ça ou Zucchero, donc même pas c'est, honte. Quoi. C'est tellement nul. Ah, mais si, j'aime bien la chanson, mais à un moment ça fait poum, poum, poum. Pas de jugement dans ce podcast. Dans cette le podcast de pas de jugement. Alors, pas de jugement dans cette émission, attention. Donc Just Can't Get Enough du 6ème album studio The Beginning hein, de Black Eyed Peas. Je sais pas si t'as vu le clip, mais j'aime bien le clip parce qu'il rappelle beaucoup le film avec Bill Murray, Lost in Translation, cet excellent film. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec les Black Eyed Peas, c'est qu'au début, tu vois, ils faisaient vraiment du hip-hop pur et dur, tu vois. Et ils ont eu du mal à décoller parce qu'on leur reprochait surtout de pas assez être radio-friendly, tu vois, pas assez, ouais. pas commercial, je dirais, mais de ça, pas avoir des ils morceaux. Ont toujours su garder leur esprit indépendant. Ouais, ouais. ouais. voilà, donc ils avaient des chansons qui étaient pas taillées pour la radio et ils le disaient aussi, ils voulaient pas faire des morceaux comme beaucoup d'artistes à l'époque sur, tu sais, les morceaux classiques sur ouais, je fais du trafic de drogue, je suis dans des gangs, la violence et tout. Ils voulaient pas faire ça. Et voilà, ils ont clairement maintenant viré électro parce que je voilà. Ouais. Parce que je sais pas, moi j'avais tu te souviens d'Elefunk? Ouais, franchement, il était bien. Mais genre, Funk, hey même... mama, c'est un album de ouf, moi, je trouve, Elefunk. Et après, ils ont fait tout ce qui est boom boom pow et tout. Là, c'était la déchéance. Get get tap. Ouais, là, c'est à partir de là que c'est parti. Je trouvais ça nul, quoi. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas, mais après, le groupe, bon... Ouais, enfin, ils sont pas mal engagés dans les œuvres de charité, par exemple. Ils font beaucoup, ils sont très philanthropes et tout. D'ailleurs, je parlais du clip, et en fait, le clip, c'est un peu un clip qui les a traumatisés parce que le clip se passe à Tokyo. Ça a été tourné moins d'une semaine, pile avant le. Enfin, dans les lieux touchés par le tsunami de 2011. Donc, à une semaine près, ils auraient pu y être. Et ça les a beaucoup marqués, ce morceau. Ouais. Moi, j'adore l'atmosphère de ce c'était morceau. C'était plutôt un. Non, qu'est-ce qu'il y a ? C'était un tremblement de terre. Mais ça a fait un tsunami. Ouais, oh, je m'en souviens. Wow, on s'en souvient trop d'informations. Que... Ah, c'était il y a 5 ans. Bon, bref, l'atmosphère de ce morceau, moi je l'aime bien. Voilà. Sauf le moment où ça fait poum poudoum. Voilà, ça gâche un peu, tu vois. Mais voilà, j'ai envie de vous le faire partager. Petit fil rouge, parce qu'on est une émission 2.0 connectée on the web. Hein, et puis, il faut bien combler quelques minutes d'émission, parce qu'on a moins de morceaux que d'habitude. Nous avons ce cher Cornelius qui nous a proposé. Alors, ça s'appelle Les chaussettes de bébé. De Jean-Luc Le Ténia. Ah, ça c'est... C'est incroyable. Alors je pense qu'il nous a un peu trop... C'était juste pour nous troller, mais bon, voilà. Ou alors il aime bien la musique expérimentale. Je préfère vous laisser un extrait plutôt que d'en parler, ce sera beaucoup plus éloquent. Je pleure au McDonald's. J'achète des chaussettes de bébé. Voilà, c'est assez dingue. Bon bah en tout cas on va continuer hein, Noé, c'est à ton tour. On va reprendre pied avec un petit groupe pas très connu mais vachement guilty pleasure. ABBA avec Dancing Queen. On s'écoute ça tout de suite. Ça. Yeah. fulgurante carrière que celle d'ABBA. En 10 ans, ils auront sorti des tubes à l'appel, que dis-je même, au tractopelle. Hein. Ils ont vendu plus de 300 à 400 millions de disques. Est-ce que c'est comme le tractopelle ce qui vient de couper les câbles d'internet à Rennes en ce moment? Ah, oh, l'enfoiré. Ah ouais, putain. Enfoiré de tractopelle. Je suis sûr que vous connaissez tous le groupe, hein, et que Dancing Queen, ça fait partie de vos chansons préférées d'ABBA, même si vous le dites à personne. Mais permettez-moi de vous conter quelques petites anecdotes de mon cru. Hein. La première, c'est finalement assez répandu, mais j'avoue, je le savais pas. ABBA, en fait, c'est les initiales des 4 membres du groupe. Ça, je le savais. Et oui, parce que toi, tu sais tout, Vincent. Mais ouais, peut-être que les auditeurs ne le savaient pas. Ils le savaient aussi. Ah, bon. Bon, en fait, il n'y a que moi qui ne le savais pas. Agatha, Benny, Bjorn et bien sûr Annie Frid, hein, mais qu'on surnomme Frida. Donc ça ferait Afra ou Fab. enfin bref, Dancing Queen fut un hit énorme. Selon la légende, Frida se mit à pleurer, hein, lorsqu'elle entendit pour la première fois les bandes. Avant que le chant soit enregistré, hein, juste les bandes de la chanson, elle s'est mise à pleurer. Hein, et elle a dit, pardonnez-moi mon accent anglais encore une fois, hein, and that was before me and Agatha had even sung on it. I knew it was absolutely the best song ABBA had ever done. Oh putain. Pourquoi Luc il est pas là quand il y a besoin de dire des trucs en bah ouais, moi j'avais prévu pour que Luc il puisse le dire, pardon. Elle s'était pas trompée, donc numéro 1 dans au moins 16 pays, pas mal. Hein. Notez que le groupe a aussi enregistré une version en espagnol, hein, qui s'appelle La Reina del Baile. Et le groupe connaît depuis quelques années un regain de popularité assez énorme avec la comédie musicale et le film Mamma Mia, et un succès de fou en Grande-Bretagne. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. Les Anglais, ils kiffent ABBA. Ah, mais les Anglais, des fois, ils ont des trucs. Ils ont des lubies. Mais genre, Mamma Mia, Fairface, c'était numéro 1 en Angleterre à un moment. Voilà, c'est vraiment trop bizarre. Enfin, bref, voilà. Pourquoi Guilty? Bah, je pense que c'est un peu le Guilty Pleasure de tout le monde, ABBA. Ah, ouais. Bon, bref, on continue avec un morceau que j'adore. Et ouais, un petit morceau de Justin Timberlake. Ouais. On va s'écouter Rock Your Body de Justin Timberlake. But I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a cross. At the air. Don't be so quick to walk away. Dance with me. rock your body. Baby. Don't be so quick to, don't walk away. Come on, dance with me. I wanna rock your body. Let me rock your body. I say, come on, dance with me. You don't have to admit, you don't have to admit. You wanna play, just dance with me. Let me rock you. Do, do, do, do. Okay. Come on, dance with me. Talk to me, boy. No disrespect, I don't mean no harm. Talk to me, boy. I can't wait to have you in my arms. By the end of this song, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Don't be so quick to walk away. Like the way you look right now. Don't be so quick to walk away. Come over here, baby. Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Voilà, bon, on va se dépêcher de finir l'émission parce que les grosses têtes ont commencé sur RTL. Voilà, Guilty Pleasure en plus, hein, c'est gratuit. Donc, c'est tiré de l'album Justified de Justin Timberlake, hein, album de 2002 écrit par Timberlake et produit par, attention, The Neptunes. Ça te dit quoi ça, Timbaland? Non, c'est l'ancien groupe de Pharrell Williams. Et voilà, déjà à l'époque, il était tapis dans l'ombre, tu vois, les choses ne changent pas, il est toujours là à l'affût, tu vois. Oui, j'aime pas lui non plus, il change pas d'ailleurs. Non, il change pas. Physiquement, toujours, je veux dire. Voilà. Donc, et en fait, le morceau, il y a des petits relents de Michael Jackson dedans. En fait, parce que c'est pas étonnant, parce que à la base, l'instru était destiné à l'album Comeback de Michael Jackson à l'époque, avant son décès, bien sûr. Et c'est Timberlake qui a récupéré l'instru et il en a fait quelque chose. Alors, c'est un morceau que j'adore, sauf la partie beatbox. Je pense que ça gâche tout. Ouais, voilà. Elle est un peu naze. Voilà, mais bon, donc. C'était bien la mode aussi dans les années 2000. Bah ouais, voilà. Justin Timberlake, acteur, chanteur, host fréquent du Saturday Night Live, et on se souviendra sur toutes ces duos avec Andy Samberg. Les Lonely Island. Voilà, Mother Lover, Dick in a Box, hein, voilà. C'est génial. Et d'ailleurs, petit fun fact, il écrit jamais les paroles sur papier, il cogite, il arrive dans la salle, dans la cabine d'enregistrement, bim, il part dans pseudo impro. Il rentre en transe en cabine, voilà, et ça sort tout voilà, seul. Et puis il se lance en pseudo impro, voilà. Par exemple, l'album Justified, il a pas utilisé un seul crayon ni un bout de papier, tu vois. Il l'a fait complètement de tête. Bon, bref. Et justement, est-ce que tu as regardé le Super Bowl? Oui. Lundi, dimanche soir, lundi. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'en fait, c'était ce morceau qui a défrayé la chronique au Super Bowl 38, je crois, c'était en 2003, le fameux scandale du ce qu'on appelle le Nipplegate, tu t'en souviens? Ouais, avec Janet Jackson. Voilà, pendant ce morceau, Rock Your Body, Timberlake avait déchiré le costume de Janet Jackson et dévoilant son sein en direct à la télévision. Et là, ça, c'était un sacré scandale. Est-ce qu'on a un dernier fil rouge? On le dit ou pas? On a c'est un fil rouge. Laurent Doucet. Bon, on a parlé d'ABBA, donc on va pas encore en parler, mais il nous propose. Alors, c'est marqué Jim Jim Jim, donc on va dire Jim Jim Jim de ABBA. De ABBA, voilà. Mais oui, c'est un bon morceau aussi. Hein. C'est bah ouais, j'aurais pu le mettre, hein, mais Dancing Queen, encore plus quoi. Voilà, bah maintenant qu'on s'est bien amusé avec Justin Timberlake, voilà. Hein, qu'on a bien dansé, je vous propose de plomber l'ambiance ouais, avec ouais, le plus grand crooner français de tous les temps, hein, pour cette avant-dernière chanson. Johnny. Imparable, presque imparable pour terminer une soirée bien arrosée, hein, dans le spleen et l'introspection qu'on trouve souvent dans l'état de semi-coma avancé. Couleur Mentalo, Eddie Mitchell, on s'écoute ça tout de suite. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. La la la la. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot, le dieu preuve. projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr elle ne m'a pas vu. Perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux mentalos, Hollywood est dans sa tête. Toute seule elle le fait. Son entrée dans un studio, en couleur pantalon, perdu dans sa mégalo. Moi je suis de trop. Est entré et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. La fille aux yeux pantalons a rangé sa et s'est soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des bisous, couleur mentalo. De classique pour Eddie Mitchell dans sa période de crooner, il a quand même bien aligné les tubes. Et d'ailleurs, je me disais ça là pendant la chanson, c'est quand même une constante chez les Guilty Pleasures, c'est que bien souvent c'est des tubes. Ouais. C'est des trucs qui nous sont amenés et qu'on n'a pas à aller chercher. Bah, des trucs qui viennent tout seuls, des trucs qu'on n'irait pas à écouter. Si je te dis par exemple, vas-y dimanche, on va, il y a un après-midi techno sur le parking de Leclerc, faut amener sa voiture. Est-ce que tu suivrais? Bah ouais. Carrément. Ah merde. Ah, mais... parce que c'est toi. C'est vrai. Mais voilà, en gros, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter et qui nous sont amenés un petit peu contre notre gré et ça nous plaît. En fait, le Guilty Pleasure, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Ouais, c'est un peu ça. Pour faire des petits raccourcis. Bon, l'histoire de Eddie Mitchell, hein, pour revenir à ce brave homme, elle est assez belle finalement, puisque après avoir connu le succès avec les chaussettes noires dans les années 60, il va connaître une sacrée traversée du désert au début des 70s. Les chansons qu'il écrivait ne marchaient plus du tout, hein, il le dit lui-même. On fumait beaucoup de moquettes, les disques ne se vendaient pas, mais Barclay me soutenait malgré tout, et j'allais chanter dans les pays de l'Est, on était payé en dollars. Lui qui adore les Américains, c'est cool. Ouais. Et puis il va s'orienter sur un style crooner, donc il va renouer avec le succès à la fin des années 70, début 80. Et ce qui est assez admirable, c'est qu'il signe presque tous ses textes à l'inverse de pas mal d'artistes de sa catégorie, Johnny. Ouais, catégorie Johnny. J'ai pas grand chose à dire sur Eddie Mitchell, hein, je pense que vous le connaissez tous, que vous aimez ou pas, mais franchement, avouez que c'est jamais désagréable à écouter. Hein. Pourquoi Guilty? J'ai jamais bien compris pourquoi ça me plaisait. Ah ouais, pour moi, c'est pas du. Mais je peux pas m'empêcher encore, mais... d'y revenir de temps en temps, parce que peut-être c'est un peu daté, c'est un peu. Voilà. J'aurais bien fait vite fait 2-3 mentions honorables. Je sais pas si toi t'en as. J'en ai 2-3, ouais. Moi j'aurais bien mis Comme d'habitude de Claude François, ouais, qui est quand même une très belle chanson, ainsi que Le Mal Aimé. Et puis Zambla aussi, Je suis pas rassuré. Oh putain. Toutes tes merdes, tu fais pas de montage là-dessus. Hein. Moi, je t'annonce, je fais pas d'extra. Et toi ? Moi, je sais pas, j'aurais bien mis un petit Robin Williams. L'amour suprême. un petit Zucchero. Un petit Nick Kershaw. Ou un petit All and Hot, tu vois. Et un petit Nickelback, non ? Non, quand même pas. Non, pas Nickelback. Enfin, si, mais non. Voilà. Je prends la suite, du coup. Hein. Là, ça va être mon dernier morceau. On va rentrer dans du bon petit Guilty Pleasure pour moi. Début 2002, avec Maroon 5. Hein. C'était du temps où c'était encore bien, Maroon 5. Les 5 marrons. Et avec l'excellent This Love. On s'écoute ça tout de suite. Maroon 5, des débuts difficiles, hein, mais c'est en 2002 que le groupe trouve son succès avec l'album Songs About Jane, hein, et spécialement This Love, le morceau qu'on vient d'entendre. Et alors, bien sûr, le groupe repose essentiellement sur, est-ce que tu peux me dire son nom, le chanteur ? Adam Levine. Adam Levine, eh oui, Adam Levine. Adam Levine, et pourquoi je demande le nom du chanteur ? Parce que, et j'ai pas fait exprès d'ailleurs, ils traînent aussi avec les Lonely Island. Et oui, ils sont très copains. Et ils sont très copains, ils ont, il a fait YOLO avec, c'était, ouais c'est YOLO. YOLO. Voilà, écoutez, You're Only Live Once. Ouais. Et bon, il a fait aussi des collaborations avec Kanye West, je sais plus comment ils disent les Américains. Kanye, ouais, bref. Alicia Keys, voilà, ils tournent pas mal. Donc je vous conseille d'aller écouter, ne serait-ce que les featuring avec les Lonely Islands. Alors pourquoi ce morceau ? Deux raisons. Alors, petit A. Voilà, petit 1, grand 1. Non. Je trouve que ce morceau fait partie de la grande période des Maroon 5 où c'était encore bien. Voilà, je le dis, hein, parce que je sais pas si vous connaissez le groupe, mais tout ce qui sort de Maroon 5, oh, c'est bizarre ce que j'ai écrit là, tout ce qui sort de Maroon 5 de ces dernières années, bah, je trouve que c'est nul en fait, c'est pas terrible. Est-ce qu'ils ont pas fait une Black Eyed Peas? Ouais, Black peut-être, il y a peut-être un syndrome comme ça, voilà. Et, alors que ce morceau de l'époque, je le trouve super cool. Et enfin, plaisir coupable pour moi. D'une part, j'ose pas trop le mettre devant en soirée, parce que voilà, j'ose pas. Mais surtout parce que c'est la toute première chanson que j'ai téléchargée illégalement en peer-to-peer. Ouah, sur Napster! Exactement, c'était sur Kaza à l'époque. Ah, Kaza. Un truc comme ça. Et voilà, c'est le tout premier morceau que j'ai téléchargé illégalement, donc tu vois, ça a une petite saveur particulière. Alors pourquoi ce morceau, je sais pas du tout. Mais bon, voilà, du coup, je l'ai toujours sur mon téléphone aussi, et voilà, c'est pour ça que le morceau il a une petite saveur particulière pour moi. Et du coup, ça va être la fin de l'émission. Et bah, oui, ouais, le justement. Dernier morceau. Eh bah, dis donc, on a bien duré, c'est pas mal. Donc merci de nous avoir suivis. Voilà, merci Noé, c'était très sympa. Merci. Alors, on a été meilleurs que pour l'article vous, Monkeys, les hein. On a été meilleurs que pour l'article Monkeys. Ouais. Donc vous pouvez nous retrouver sur. Alors. PodCloud, est-ce que t'as le PodCloud en tête? Bien on sûr, s'écoute ça tout de suite. Point lepodcast.fr, le Twitter, @ on s'écoute ça. Voilà. Le Facebook, facebook.com/ on s'écoute ça tout de suite. Sur, bah, du coup, le regroupement de podcasts, le de nouveau notre, réseau de notre cru. Inter-Rennais de podcasts. Voilà, le comptoir. Le comptoir. Voilà, donc on fera plus de. Le comptoir PDC. On fera des meilleures annonces dans les semaines à venir. On remercie les gens qui ont participé à cette émission interactive, pas en direct, mais en direct sur Twitter. Voilà, parce que les gens nous ont parlé, nous ont donné leur petit guilty pleasure. C'était très sympa. C'est très gentil. Prochain thème. Prochain thème, on a quelques petites idées sympas. On a petites idées, mais on sait pas encore. On sait pas prononcer encore. On sait pas prononcer encore, voilà. Je pense qu'on a fait le tour et on va enchaîner sur ton dernier morceau. Et bah, c'est marrant, tu parlais des premières chansons que tu téléchargeais légalement. Ah. Et bah, moi, c'est pareil, j'avais 10 ans. J'avais le Windows 98 de mes parents. Et peut-être même le Windows XP, je sais plus exactement. Mais bref, j'allais sur Emule et je téléchargeais ce genre de son très très lourd. Juste dire un truc, je bloque parce que j'ai oublié de le dire juste avant. Tu sais, quand tu téléchargeais un peer-to-peer et que t'avais une connexion pourrie, t'avais des morceaux de chansons. C'est-à-dire que t'avais pas la chanson, mais t'avais des morceaux des de chansons. Des fragments. Des fragments de chansons qui étaient téléchargés petit à petit. Donc moi, j'avais genre 2 secondes au milieu de la chanson, je les entendais, j'étais trop content. C'est vrai, c'était les petits plaisirs. En paquet. Voilà, alors j'espère que vous nous écoutez en voiture, sincèrement, ou alors que vous avez un bon gros casque qui tabasse. Ouais. Je vous en dis pas plus, hein. Je vais vous laisser prendre du plaisir avec cette magnifique composition contemporaine hein, signée Benny Benassi. Ah, oui. On vous embrasse et on s'écoute ça tout de suite. Au revoir. Au revoir. Stones and flowers on the ground, we are lost and found, but love is gonna save us. Shadows walking in the crowd, we are lost and found, but love is gonna save us. Stones and flowers on the ground, we are lost and found, but love is gonna save us. But love is gonna save us. Stones and flowers from the ground, we are lost and found. Save us.